Chevalade vers l'est, et Jesse Sester, et Jesse sont l'un de rien, non sans ses bières. Je descends de la bonnette, dans le gaz, belle et mandre et dans le ciel. Je demande la main de guerre, dans ce bien de bain, je danse pas de mer. Mal et gosse, mal et douce, et Jésus, pour d'amour, la Jésus, tu le sais. Jésus, malandré, sang de père, pour de douleur. J'ai nommé des bien le père, le mur du bien, la dalle, la dalle, la dalle, la dalle, la dalle, la dalle, la dalle, la dalle, la dalle, la dalle, la dalle, la dalle, la dalle, la dalle, la dalle, la de Dion, en tête de gosse. Yeah. homme. Elle est gonne dire les dards des scènes. Amour du monde en pièce, pas gamme, y'a l'amour. En Jésus, ça vient faire tout. La vie à garde la crise. J'ai comme ma vie, c'est tout. La balle, j'a si ou pas la maman, mère, la ville, ça de chess. À la tori, j'a seul. Mal, mal, l'air de laisser pierre, l'air de ce qu'elle t'a fait.